restez pas sur la piste, s'il vous plaît. En Martin, en Macron, en bateau, en champignon, en moto, on vous attend pour la piste. Allez-y les petits chauffeurs, on vous attend pour un prochain tour, un prochain tour. Allez-y les petits chauffeurs, on vous attend pour un prochain tour, un prochain tour. Pour la sécurité des plus petits, ce manège est équipé de ceintures de sécurité. Attention au départ. Ne restez pas sur la piste, s'il vous plaît.